C'était pour détruire l'opposé de la jalousie. Qui est l'insécurité. Parce que ma femme n'a pas de jalousie. L'insécurité. Pour détruire l'insécurité, je l'ai envoyé. Puis des années plus tard, je l'ai envoyé parce que j'étais en initiation, enfin, je pouvais pas sortir dans ce temps-là. Je savais qu'elle aimait ça pour aller sortir pour un souper, papa. J'ai fait rencontrer un gars absolument extraordinaire, un bel homme. Moi, j'étais dans le crapaud au côté de lui. Un beau six pieds, beau. Ben sidekick. Un grand bonhomme. D'ailleurs, un grand, grand bonhomme. Puis, elle sortait, puis il y avait de bien d'argent, fait qu'il... Il a nourri ça. Ils travaillent ensemble, là. Puis, c'était bon pour elle. Ça la relaxait. Elle pouvait sortir, s'amuser un petit peu. Mais, elle savait où ce qu'on était. C'était en dedans, avec de la sécurité. Puis elle savait pas, elle savait que je l'envoyais pas parce que je l'aimais pas. Tu vois ce que je veux dire? Fait qu'elle pouvait être, elle pouvait avec lui faire une expérience que moi je pouvais pas lui donner parce que j'étais en initiation. Fait que je pouvais pas être dans les restaurants, dans les grands restaurants. Ça m'intéressait pas. Mais elle avait besoin d'un break. Faut être fort en dedans. Quand t'es fort en dedans, t'es fort en dedans. Ça prend une confiance réciproque, c'est... Ben, non! Non? Jamais! Jamais! Faut c'est... jamais de confiance réciproque! Il y a un échange! Non. Mais jamais de confiance! Ayez jamais confiance à un être humain, vous êtes dans la merde! C'est depuis un voyage. Mais c'est un autre. Ça, c'est une des grandes erreurs de l'ego! C'est une autre forme? C'est un... Non! C'est non. Un... Non! C'est un épée de Damoclès! Quoi? L'épée de Damoclès, ok. L'épée de Damoclès. Ouais. Parce que tu sais jamais si un jour cette tête-là va te laisser. Ben non, on n'est pas là. Au niveau de l'ego, là. Si vous êtes dans la conscience, il n'y a pas de problème parce que les deux sont sur une longueur d'onde. Mais je parle des gens qui sont dans la vie, là. C'est la pire chose qu'un être peut faire pour lui-même. C'est d'avoir confiance d'un être. Puis d'ailleurs, c'est de là que vient la jalousie. Jamais avoir confiance à un être. Ça veut pas dire pas avoir confiance à un être, ça. Ça veut dire jamais avoir confiance à un être. Comprends ce que tu veux dire. Comprends ce que tu veux dire. Mais quand les personnes, ça marche pas, pourquoi avoir la jalousie? Je comprends, mais je t'explique le problème dans la vie. Tu serais surpris comment est-ce qu'il y a de personnes qui souffrent de jalousie. Bah. C'est la destruction complète. Surtout aujourd'hui. La destruction complète. Faut jamais avoir confiance dans un être. Jamais. Faut avoir confiance totale en soi-même. À ce moment-là, tu es capable de dealer avec n'importe quelle contingence. N'importe quelle situation. Il te laisse, il n'y a rien là. C'est ça. Il te joue un tour, il n'y a rien là. C'est... Hey, avoir confiance en un être. C'est de vendre son âme. Ça. À qui? Au diable. À ses sentiments. Bon, moi, je disais ça, là. Je me sens pas jaloux, là, d'accord? Mais ce que vous voulez. On peut pas posséder un autre être. Non. On possédera jamais. Non. Ça, c'est éberlé. Non. De chacun. Mais il y a des gens qui ont confiance à leur toutou. Puis un jour, ils se retrouvent que le toutou, il sort avec un autre toutoun. C'est bon, la musique? Puis il y a des toutous qui ont plusieurs totems. Puis ils ne disent pas. Puis, tu cochons? Moi, je connais des femmes. Mais ils reviennent les yeux bien brillants, sans de bonne image. Je connais des femmes, des bonnes mères de famille, puis le toutou, il sort depuis des années avec des totems, puis ils ne savent pas. Ah, il n'a pas d'idée partout. Mais tant que ça y fait pas mal. Ouais, quand ça sait pas, quand ça sait pas, c'est mais qu'elle sache, elle va se tomber. On va mettre l'âge dedans. Quand tu sais, ben là, tu sais. C'est capable. On va pas les frigger. Mais pourquoi pas? Oui, c'est capable. Il y en a qui sont pas toute ta vie. Il y en a qui sont pas capables. On sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Faut le passer. Ouais. On l'a vibration. Faut jamais mettre sa confiance dans un être. Il dit ça, c'est de l'inconscient. T'échanges avec un être 100% au bout. Faites un bon échange. Ça dépend de ça. Il met de la confiance en l'autre, puis l'autre, s'il fait le coup, ben, la confiance vient de tomber à la tête. Il en soi. Ben, ben, oui, c'est vrai, ça. Ils sont désarmés, ça fait quoi faire? Mauvais.